pourquoi pas. Dans tes yeux, tant de plaisir. Tout le temps. Pourquoi pas. Tu vois tant de plaisir. C'est si bon. C'est si bon. Dans tes yeux, tant de plaisir. Tout le temps. Tout le temps. Tu vois tant de plaisir. Tant de plaisir. Tu vois tant de plaisir. Tes yeux, tu vois tant de plaisir, tant de plaisir, tant de plaisir. C'est si bon, tout le temps, pourquoi pas. C'est si bon, tout le temps, pourquoi pas. C'est si bon, tout le temps, pourquoi pas. C'est si bon, tout le temps, pourquoi pas. C'est si bon.